Connaissez le Red Champagne? C'est une boisson unique, au goût unique. Et avec le beau temps qui arrive, il fait bon se désaltérer avec le Red Champagne, au goût qui nous ressemble. En ouvrant une bouteille de Red Champagne, vous sentez ce bon goût de pomme rouge. Au cours de l'été, ne vous privez pas du plaisir de déguster Red Champagne. Red Champagne, disponible partout. Philippe Simard et fils, distributeur de Red Champagne, salue le mois de l'arbre et de la forêt. Gagnant la chronique de l'année avec notre ami Phil Desgagnés. Notre collaborateur Yves Bolduc, vous savez, à qui on parle tous les vendredis, on parle de Légion du Québec, mais les gens qui ne le savent pas, il se trouve à être notre également le directeur des communications de la Légion 3. Pour les gens qui se rappellent la Légion 3, le multiconcessionnaire de Saint-Félicien-Tolboum-Cessny qui a duré à peu près quoi 4 ans, était dans cette formation-là et ils ont fermé les livres en 2009. On en parle avec Yves Bolduc. Salut Yves! Salut Danny! Yves, d'abord, comment va la Légion 3? Dans le temps du multiconcessionnaire, c'était pas facile. Les foules ailleurs, il y avait Saint-Jérôme qui marchait et un peu également Plessisville et ainsi de suite, mais comment ça va là maintenant? Ben, je te dirais que au niveau des assistances, il y a des bonnes foules qui se présentent évidemment comme dans n'importe quel circuit où les équipes performent le mieux, c'est-à-dire à Terrebonne, à Longueuil, à Saint-Jérôme, Valleyfield, Granby. Certaines autres formations ont des difficultés au niveau de l'assistance, mais ça se reflète un peu partout là. Quand on se compare, exemple, à la Ligue Midget 3 du Québec, il n'y a pas beaucoup de spectateurs non plus qui s'y dirigent. Là, on parle de 200 à 300 spectateurs, et souvent, ben, c'est des membres de la famille qui assistent à ces parties-là. Donc, je te dirais que ça pourrait aller mieux. Mais ça a déjà été pire dans le cas de la Ligue junior 3 du Québec. D'ailleurs, le fait qu'on ajoute une 13e franchise l'an prochain à la Côte-du-Sud, là, qui est l'Everest de la Côte-du-Sud, qui va jouer à l'Arena de Montmagny, ben ça, c'est un signe que l'engouement pour la Ligue de hockey junior 3 est bon. On entend beaucoup parler de jeunes qui sont intéressés à se concentrer sur les études, à avoir des débouchés au niveau des universités américaines et canadiennes. Alors, nous, notre mission, c'est d'offrir ce type de hockey-là, qui est un hockey compétitif. D'ailleurs, on l'a vu la semaine dernière, là, le Collège français de Longueuil, qui a très, très bien fait lors de la Coupe Fred Page, mais c'est complètement écrasé lors de la finale, là, mais durant la semaine, là, a écarquillé les yeux de tout le monde. OK. Si on parlait aussi, ben, moi, tu parles d'études, il y a la Ligue collégiale également qui existe. Il y a une équipe à Alma, les Genois d'Alma, pour les gens qui se... pourquoi qu'il n'y a pas une fusion des deux organisations? Parce que c'est le même but, dans le fond, puis ça doit être dur à recruter des joueurs. Ben, on en a entendu parler. Il n'y a pas eu de rapprochement en tant que tel entre les deux circuits, là, entre la Ligue de hockey collégiale Division 1 et la Ligue de hockey Junior 3. On en entend parler. On sait qu'il y a des formations dans les deux circuits là, qui connaissent des difficultés. C'est pour ça qu'il y a des changements de partenaires ou de propriétaires administrateurs. Et dans le cas du collégial, ben, il y a des équipes, je pense entre autres à celle de Dawson, je pense qui a mis fin à ses activités cette année. On en ajoute une en Abitibi. Je pense que les problèmes sont pas les mêmes au niveau des deux circuits. Il faut savoir qu'au niveau du hockey collégial, c'est certainement un circuit là, qui est financé à... par le gouvernement, là, par les subventions qui sont données via le ministère de l'Éducation aux institutions d'enseignement. Alors, ça peut être une raison qui fait que ça devient difficile parce que on sait que les budgets dans ce cas-là sont diminués. Par contre, chez nous, ben la plupart des équipes là, appartiennent soit à des individus ou soit des OSBL, donc ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent. Alors, ils peuvent décider de mettre fin à leurs activités selon les règlements de la Ligue, bien sûr, mais dans la plupart des cas, on n'a pas remarqué de fermeture de franchise au cours des dernières années. Il y a eu, il y a 4 à 5 ans, là, le rachat par la Ligue des deux formations collégiales qui évoluaient dans le circuit parce qu'ils avaient décidé de prendre l'option de retourner avec l'allée collégiale, soit les Cougars de Lennoxville et les Lauriers de Saint-Hyacinthe. Mais depuis ce temps-là, on a que de bonnes nouvelles. Des équipes qui changent de ville, qui changent de propriétaire, mais qui mettent pas fin à leurs activités. Et là, cette année, avec l'ajout de l'Everest de la Côte-Sud dans la région de Québec, c'est une très bonne nouvelle pour la Ligue Junior 3 qui va permettre aux jeunes qui ont du talent de la région de Québec une autre opportunité, tout simplement. Nous, on veut pas embarquer dans le débat du collégial. Qu'est-ce qui est mieux entre le collégial et le junior? On est une alternative, comme le collégial en est une. Nous, on regroupe une ligue qui permet aux jeunes d'étudier, mais aussi à celui qui travaille, qui a terminé un DVEP et qui maintenant est électricien ou qui travaille sur la construction, qui a un métier autre, il peut jouer quand même dans notre circuit, ce qui n'est pas le cas dans la ligue collégiale. OK. Maintenant, tu as parlé de Québec. Je te parle. Donc, dans le temps, il y avait une équipe à Québec. C'était même Marc Fortier qui était l'entraîneur-chef à l'époque. Là, maintenant, j'imagine. Est-ce que la Ligue Junior 3 était vue comme une ligue montréalaise? Il y a une équipe à Placeville qui était là dans le temps. Là, il y a une équipe à Montmagny qui est à 45 minutes de Lévis, à peu près. Là, vous avez des visées sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean après l'échec du multiconcessionnaire d'il y a quelques années. Pourquoi? C'est-à-dire qu'on a des visées, pas nécessairement juste sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est ouvert à tous les territoires. Ce qu'il faut dire, c'est que, comme je te disais, depuis quelques années, la Ligue s'est repositionnée un petit peu au niveau de la façon d'attribuer ses franchises. Je te donnais l'exemple de l'Everest de la Côte-du-Sud qui va débuter en septembre 2018, ses activités. Mais ça fait déjà plus d'un an que les gens sont en possession de la franchise, donc ils travaillent pour préparer cette entrée-là dans la Ligue, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'était malheureux. Je pense entre autres à peut-être la mauvaise expérience chez vous là avec le multiconcessionnaire, avec l'équipe de Pont-Rouge, des formations qui ont été accordées avec seulement 3 mois de d'avis. Là. Donc, ils devaient se retourner de bord rapidement. Puis malheureusement, on s'est rendu compte que les conditions qui étaient données également à ces formations-là, dans le cas du multiconcessionnaire, devaient payer le transport des autres équipes. Mais ça devenait très difficile pour eux. Puis je pense pas qu'aujourd'hui, une formation, en tout cas, c'est le cas à Québec, là, ils payent pas le transport de personnes qui va aller jouer chez eux l'an prochain. Puis quand tu me parlais de Ligue provinciale, ben oui, effectivement, avant, la majorité des formations, ça l'est encore, et dans la région de Montréal, mais on tend à aller un petit peu plus loin. On a maintenant une formation à Gatineau, il y en a une qui s'installe à Québec, il y a Princeville, il y a Granby. Alors, de plus en plus, là, la Ligue vise ces marchés-là. Et nous, tout simplement, ce qu'il faut faire quand les gens sont intéressés, les gens du milieu, parce que faut savoir qu'une franchise dans la Ligue Junior 3 du Québec, là, ça coûte entre 50 et 60 000 $ pour le coût de la franchise. Ensuite, l'opération, les budgets diffèrent un peu, mais je te dirais que ça va entre 150 et 200 000 $ ce qui est beaucoup plus raisonnable là, que certains projets qu'on a entendu parler. Donc, c'est un budget de 200 000 dans la tête du multiconcessionnaire, parce qu'il y a même un budget de pas loin de 350 000, si je m'abuse, là. Mais je peux me tromper, là. Mais ça ressemblait pas mal à ça. Ça pourrait être le cas encore, dépendamment de leur façon de gérer leur formation, puis au niveau du transport. Mais comme je te dis, là, au niveau du multiconcessionnaire, je me rappelle bien, à l'époque, là, ils devaient payer les frais de transport de toutes les équipes qui se déplaçaient à Saint-Félicien. Alors, si tu ajoutes ça à ton budget, c'est comme si à chaque fois que tu joues, ça prend un autobus, là. Alors, les coûts étaient très élevés. Ce qui n'est plus le cas actuellement. En tout cas, ça n'a pas été demandé dans le cas de Québec. Alors, je pense que ça pourrait être une opportunité pour les gens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay. Je m'avance là parce que je suis un gars du Saguenay, donc je pense à des villes comme Roberval qui pourraient être intéressantes, qui ont des installations renouvelées. Je pense également à Ville-de-la-Baie qui possède aussi un aréna un milieu là, qui serait propice à du hockey junior 3. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que nous, on ne vise pas à aller compétitionner le collégial ou ces choses-là. On le sait qu'il y a une formation collégiale à Alma, entre autres, si on parle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils font leurs affaires, puis nous, on fait nos affaires. Comme à Montréal, il y a plusieurs formations, mais il y a également plusieurs cégeps qui jouent dans les collégiales. Mais là, Yves, moi, je me rappelle du multiconseil. On était tout seul. Et, il faut que tu aies des équipes qui s'en viennent qui s'en viennent pas loin, là. Que les gens, parce que les gens de Saint-Jérôme étaient tannés de venir ici. Les gens de Terrebonne venaient. C'était, là, s'il y aurait eu une équipe à Alma ou la Tuque dans le temps, ça aurait été beaucoup moins pire. Tu peux pas installer une concession à Saint-Félicien puis Roberval comme dans le temps, et à Saint-Félicien ou Dolboum-Sesny puis penser après ça et retourner. Il faudrait au moins qu'il y ait deux concessions. Si la TUC aurait existé, parce qu'après ça, la TUC est arrivée, là, est arrivée 2 ans après que le multiconcessionnaire disparaisse, ça aurait été différent et pour la TUC et pour le multi. Oui, mais à ce niveau-là, c'est sûr que dans les plans de la Ligue, dans les futures expansions, c'est certain que s'il y a expansion, les équipes devront se situer près de d'autres formations pour faciliter exactement les activités, les opérations. On pense entre autres à la région de Québec. Là. Il y a une formation à Québec dans Montmagny. Bon, ben peut-être qu'il serait intéressant s'il y a des groupes qui peuvent être intéressés là, de s'installer à Beauport ou à Charlebourg, des villes qui ne sont pas exploitées par d'autres circuits. Ça pourrait être au Saguenay également, là, parce qu'on parle de 2h30 entre Chicoutimi et Montmagny. Nous, c'est sûr qu'on viserait pas Chicoutimi directement, là, comme je te disais, on viserait plus des villes qui peuvent répondre aux attentes de la Ligue Junior 3. Mais encore là, nous, on répond à la demande. Alors, s'il y a des gens d'affaires qui sont intéressés, puis j'insiste sur le mot gens d'affaires parce que la façon dont l'Everest de la Côte-du-Sud s'implante actuellement, c'est des gens d'affaires qui ont décidé de prendre en main cette formation-là pour s'en servir, pour revitaliser la situation économique de leur région. Ils ont des difficultés au niveau des emplois, donc ils se disent, ben si on garde les jeunes chez nous à jouer au hockey ou on en amène d'autres puis qu'on réussit à les implanter au niveau de notre région, ben on va les garder puis ça va revitaliser la situation de l'emploi et de l'économie dans notre région. Puis ça, ben on va voir les effets que ça a, mais je peux te dire que depuis un an, les nouvelles qu'on reçoit de la Côte-du-Sud sont très, très bonnes. Il reste à voir ce qui se passera sur la glace, mais ils vont bénéficier là, d'un repêchage d'expansion, d'un territoire protégé d'un an, également de toute la région de Québec quand même, là, parce qu'il faut savoir qu'il y a un repêchage universel dans notre ligue, mais il reste que eux là, sont la seule formation de la région de Québec là, qui va être impliquée là. Et puis bien, Québec, ça représente quand même un gros bassin de joueurs d'hockey. Ouais, les communications, moi, ce qui m'avait fait allumer dans le temps, c'est que les pointages étaient marqués RDS. Puis j'étais à Québec dans le temps, puis j'ai dit, Saint-Félicien est là. C'est sûrement une grosse ligue. Puis là, je remarque depuis plusieurs années, il n'y en a pas. Ça n'existe plus. Pourquoi? Ouais, ben, il y a eu une cassure. Je veux pas parler mal envers les gens qui étaient là au départ, là, avant notre arrivée, mais je te dirais que depuis quelques années, il y a eu, entre autres, le départ de Richard Morancy, qui était le commissaire de la Ligue, qui a été remplacé par Guy Ryan. Et puis, Guy Ryan devait s'entourer d'une équipe au niveau de l'administration de la Ligue. Puis, il y a eu certains écarts qui ont été faits. Malheureusement, c'est ce qu'on entend des médias, parce que moi, je communique avec eux là. Actuellement, on est en train de rebâtir ce lien de confiance là qui doit exister entre nous et les médias, parce que tu le sais, dans le milieu là, si tu veux avoir une couverture suivie, ben il faut que tu sois présent, il faut que tu sois ponctuel. Puis là, ben c'était pas le cas apparemment dans ce qui nous est rapporté. Donc certains soirs, les résultats n'étaient pas communiqués. Puis là, ben éventuellement, les médias concernés là, ont retiré le bandeau là, qui apparaissait dans le bas de l'écran de RDS. Mais actuellement, là, on est en train de travailler là, à rebâtir ce lien-là de confiance. Et On espère bien là, que ça va être positif pour la saison 2018-19 qui va débuter en septembre, là, entre autres à RDS, également à TVA Sport qui s'est ajouté dans le décor là, depuis ce temps-là. Mais c'est difficile. Là. Quand le lien est brisé, là, il faut que tu démontres que tu vas être ponctuel, tu vas t'en occuper. Mais je pense qu'on a fait des grands pas là, depuis l'arrivée du commissaire Jacques Laporte. Et là, il y a un nouveau souffle là, qui est dynamique au sein de la Ligue. Puis je sais là, que, entre autres, là, chez vous, là, les gens pourraient dire « Ah, oh, mais on l'a vu sur le circuit-là, puis ça n'a pas bien été. » Mais je te dirais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu des prises de conscience qui ont été faites au niveau de la Ligue. Maintenant, la Ligue, je te dirais, là depuis les 4-5 dernières années, les équipes ont adhéré à une certaine philosophie qui non seulement va faire une ligue de quartier de Montréal, là, parce qu'elle était vue comme ça, mais maintenant on voit de plus en plus de formations qui se distinguent au niveau de l'Est du Canada. L'an dernier, les Cobras de Terrebonne ont même accédé au championnat canadien, ce qui s'était pas vu depuis une quinzaine d'années. Alors, puis cette année, ben le Collège français a passé près. Là, je te dirais, Danny, que la semaine dernière, le Collège français a fait toute une performance au championnat de l'Est du Canada, mais ils ont connu leur moins bon match de l'année, là, leur pire match de l'année à la mauvaise journée, puis sont fait battre en finale par les Sénateurs d'Ottawa qui vont représenter l'Est du Canada dès la fin de semaine prochaine à la Coupe RBC. Mais on a passé très, très près là, d'avoir une deuxième équipe du Québec en 2 ans consécutifs. Donc ça, là, c'est toutes des prises de conscience qui sont faites parce que là, ben pour faire ça, il faut que tu sois plus sérieux, il faut que ton encadrement soit plus rigoureux, faut t'assurer d'avoir un entraîneur qualifié qui tient les entraînements, que tu t'occupes bien des joueurs et tout ça. Et puis, au cours des prochaines semaines, on va avoir des grosses annonces également au niveau de la Ligue là, de partenariat. Puis ça va certainement aider, en tout cas rassurer les jeunes, là, qui pourrait s'intéresser à notre ligue. Yves, très, très, très intéressant. C'est sûr qu'on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Je voulais faire un bloc dans nos chroniques, mais il s'est passé tellement d'affaires dans la Ligue de hockey junior du Québec puis qu'on n'avait pas eu le temps de se parler de ça, mais finalement, on s'est rattrapé. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y aurait une ouverture. Il reste à savoir si les gens seraient intéressés. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire à parler. Parce que moi, dans le temps du multiconcessionnaire, ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y a M. Jean Hébert, qui était un grand, je ne sais pas si tu l'as connu, là, qui était un défenseur des régions, des équipes de région. Lui, il avait défendu le multiconcessionnaire contre des gouverneurs comme Saint-Jérôme, comme ainsi de suite. Puis finalement, le décès de M. Hébert a eu raison du multiconcessionnaire. Ouais. Oui, Jean Hébert, effectivement, c'est un personnage qui était très, très influent au niveau de la Ligue. Là. C'était le directeur général, puis il tenait ça presque à bout de bras. C'est pour ça que je te dis que la structure a changé, la vision également a changé. Puis je pense que dans l'optique d'aujourd'hui, comme tu le mentionnais tantôt, il n'y avait pas d'équipe qui était prête de Saint-Félicien. Donc, l'équipe la plus proche dans le temps, là, c'était le Titan de Princeville. Je pense que là, maintenant, avec une formation à Québec, d'ailleurs, là, on est en confection du calendrier. Puis la majorité, tu vois, nous disent, si on avait un deuxième match à jouer, là, ça serait peut-être tant qu'à faire un voyage à Québec, mais ce serait le fun d'avoir une deuxième équipe. Alors là, ce qu'on essaie de faire dans la confection du calendrier, ça va être de jouer probablement Princeville avec Montmagny. Mais éventuellement, s'il y a une ouverture, que les gouverneurs sont d'accord pour la région de Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est des milieux puis c'est des territoires où il y a d'excellents joueurs de hockey qui feraient qu'eux ne seraient pas obligés de s'expatrier de la région. Puis il y en a toujours, en tout cas là, de mémoire cette année, je pense qu'on en a eu deux là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui ont joué dans notre circuit. Là. Il y en a peut-être d'autres, mais de mémoire, là, j'en ai deux. J'ai Simon Bélanger, qui a évolué avec les Braves de Valleyfield. Louis-Philippe Simard, qui a joué 4-3 ans avec les Saguenayens, qui a complété son stage junior avec les Panthères de Saint-Jérôme. Donc, ça, c'est des joueurs qui, éventuellement, pourraient terminer chez eux leurs études et leur carrière de hockey. Puis c'est des opportunités qui pourraient être très appréciés là, dans le cas des équipes de développement. Puis là, comme tu le mentionnais, il y a quand même une structure au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s'est beaucoup améliorée avec le programme des espoirs, les équipes midget espoirs, l'équipe midget 3. Donc ça, c'est tous des bassins de joueurs qui font qu'à un moment donné, le joueur peut changer d'idée puis jouer dans un circuit comme le nôtre. Et j'y inclus le collégial là, parce que au niveau collégial, s'il arrive un pépin au niveau de tes études, tu peux plus jouer dans le circuit. Alors, la Ligue Junior 3 pourrait répondre à ces choses-là aussi parce que, comme je te disais, on met beaucoup d'accent sur les études. On remet une vingtaine de mille dollars de bourse d'études à chaque année à nos joueurs qui se distinguent également sur les bancs d'école. Mais ça offre aussi l'opportunité à quelqu'un qui travaille ou qui va à l'université de jouer dans un circuit important junior. OK. Yves, on se reparle vendredi pour parler de la finale entre l'Armada et Batters. C'est un gros match ce soir, mais je pense que si l'Armada perd ce soir, ça va pratiquement être terminé. Donc, on se reparle vendredi. D'accord, Dani, merci. Le collaborateur Yves Bolduc.